continent. Fleury, bois d'Arcy, les frères qu'on dirait. Silicone dans sa poitrine, y'a pas que du lait. Je vais taser ta mère si tu veux pas reculer. Elle veut la clé, des bouts chez me. Je fais du commerce en bas de chez moi. Père de jeune d'alliage, j'achète pas de vie. Jamais de la vie. Viens la voir de plus près, tu vas changer d'avis. J'ai que de la patata. Si tu cherches ta tipeur, elle est dans mon appart. Elle est dans l'appart. Cette année, c'est la guerre. C'est la maison de disque ou la maison d'arrêt. Je veux 500 billets, 500 avec plein de zéro sur le chèque. On va signer ton contrat dans un endroit chic. De 0 à 100 sur la voie de gauche, lâché par les radars. Mes plaques sont falges comme les boutiques de ton gars. Sur le bâtiment y'a l'hélico. On va te faire vivre le rêve américain. La moitié est grosse, j'ai les doigts qui collent. Trafic comme t'es comme américain. Sur le bâtiment y'a l'hélico. On va te faire vivre le rêve américain. La matière est grasse, j'ai les doigts qui collent. Trafic un t'es comme américain. Guetteur à la future king alligator, j'étais. Là j'ai mis le plein, je remonte à boire du GT. Ce soir au casino, c'est du papier que je vais jeter. J'ai rayé la jambe, désolé bébé, j'suis pété. Versace, j'ai la Médusa. J'suis désolé si j'la fais du mal. J'suis désolé si j'la fais du mal. Mais c'est les tribunes présidentielles ou bien le tribunal. J'suis sur une île en dresse, quoi de pire en éventail. Et la serveuse parle anglais, j'ai claqué toute la malle. Trace paillette pépé, j'ai rendu fier mon papa. Une ou deux fessées pour ouvrir mes chakras. Sur le bâtiment y'a l'hélico. On va te faire vivre le rêve américain. La moitié est grosse, j'ai les doigts qui collent. Trafic comme t'es comme américain. Sur le bâtiment y'a l'hélico. On va te faire vivre le rêve américain. La matière est grasse, j'ai les doigts qui collent. Trafic comme t'es comme américain. Night en soirée, petit night par-ci, petit night par-là.